Pas besoin d'avoir fait de grandes écoles pour comprendre que ça va péter. Tenue, plaque, masque à gaz, avant de sortir on doit s'apprêter. Un virus qui débarque juste avant la troisième guerre mondiale, y'a de quoi s'inquiéter. Des états qui subissent la guerre civile et ne savent plus trop comment l'arrêter. Laisse-moi enquêter, amener ma petite pierre à l'édifice. Voudrait-il réduire la population quand les grands-parents se battent pour leurs petits-fils? À l'heure de la répression, le pouvoir est au peuple, c'est ce que l'on dit. La fumée dans le ciel quand l'humain se réveille en France, à Hong Kong ou bien en Colombie. Savent plus comment stopper la population. Ils nous gaspillent des milliers de munitions. Ils tentent de réduire la surpopulation. Nous tuent à petit feu avec la pollution. Créé de toutes pièces dans un laboratoire. Je prends l'avion, je prends le bus. Tu ne verras pas, mais si je m'accroche à toi, je t'emmène au terminus. J'ai déjà contaminé des millions de personnes, mais j'en veux plus. Je suis là pour éradiquer la révolte, tu le coronavirus. Coronavirus. Coronavirus. Coronavirus. Je suis là pour éradiquer la révolte. Coronavirus. Comment prendre le problème à deux mains quand il est chimique sans prendre de gants? Comment comprendre la situation sans y réfléchir ou sans prendre le temps? Quels sont leurs intérêts? Demande de prendre un temps. Voudrait-il nous enterrer? Pose-toi la question. Pourquoi vouloir tout détruire? De n'importe quelle façon. Si ce n'est pour partir et tout reconstruire, je me pose des millions de questions dans ma tête. Pourtant, je suis pas dans les théories du complot. Et je sais que pendant que tu te révoltes, ils enquêtent. Et puis signe des nouveaux accords dans ton dos. Je me pose des millions de questions dans ma tête. Pourtant, je suis pas dans les théories du complot. Et je sais que pendant que tu te révoltes, ils enquêtent. Et puis signe des nouveaux accords dans ton dos. Je me pose des millions de questions dans ma tête. Créé de toutes pièces dans un laboratoire. Je prends l'avion, je prends le bus. Tu me verras pas, mais si je m'accroche à toi, je t'emmène au terminus. J'ai déjà contaminé des millions de personnes, mais j'en veux plus. Je suis là pour éradiquer la révolte, tu le coronavirus. Coronavirus. Coronavirus. Coronavirus. Je suis là pour éradiquer la révolte. Coronavirus.